Page 59. Activité 5. Piste 48. A. Le tableau est grand. B. La gomme est petite. C. La classe est large.